Il faut de tout pour faire un monde, il n'y a que toi qui fais le mien. Tu m'as guéri de mes songes, on a plein de choses en commun. Je regarde jamais ma montre comme si le temps m'appartenait. Si on t'a envoyé vers moi, c'est que le ciel m'a pardonné. J'ai ton parfum sur ma peau. Je n'étais pas programmé pour tomber love. On a surmonté des galères à deux, tout vécu à deux. On a fait deux enfants merveilleux. Merci pour tout, je te dois beaucoup, tu sais. Tu m'as sorti du quartier, à moi de prendre la monnaie de ta pièce. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène loin de ce monde et de sa brutalité. T'es si douce, je vois ton sourire quand je ferme les paupières. Je vois pas ma vie sans toi, t'es comme une drogue. Je t'ai connu étant garçon, aujourd'hui je suis un homme. C'est toi la source de mon inspiration. T'as réussi à voir ce qui se cache derrière mon regard sombre. T'as fait de moi quelqu'un de mieux en quelques années. Tu m'as soutenu quand on me blâmait. C'est toi et pas une autre, c'est toi et puis c'est tout. Quand t'es épuisé, c'est moi qui s'essouffle, je deviens fou. C'est peut-être ça l'amour, on s'est dit oui jusqu'à la mort. J'ai posé mon cœur dans tes mains. Merci pour tout, je te dois beaucoup, tu sais. Tu m'as sorti du quartier, à moi de prendre la monnaie de ta pièce. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène dans les étoiles. Allez viens, on met les voiles. Notre amour est impérissable. Allez viens, je t'emmène pour tout, je te dois beaucoup. Tu allez viens, sais, allez viens, sens, allez viens, je t'emmène. Allez viens, allez viens, allez viens, allez viens, je t'emmène.